pensais que je comptais sur le rap pour rappeler le pactole. Tu dois t'appeler Avril Dalton. Ce soir tu trouves pas le somme. Tu joues à la PS4, tu en peignoir au Carlton. Je me la joue à la DSK. Avec ma go, j'aime pas trop quand on se parle fort. Je rêve du code d'un coffre-fort, elle rêve du code de mon smartphone. C'est pas une blague de Patson, je pompe et je tractionne. Ma musique est black, je suis blanc comme Michael Jackson. La route est bouchée, je klaxonne, je crois qu'ils n'ont rien compris. Tes rappeurs ne portent pas de flingue, ils portent plein de contrix. Ouais, saluez-les, je suis taquin comme Samuel L. Jackson. Pour percer, écarte-moi ses lèvres, sale folle. Les dangereux ne viennent pas que de Corse. T'es dangereux si t'as un classe e-sport. Je fais plus d'efforts, elle te prend la tête pour un sac Michael Kors. Avec les meufs, je regarde pas la tête, je mate que le corps. Mes gars le savent, tous les mois j'aggrave le score. Avec Alassane, on frappe dans le sac à la salle de sport. J'ai grandi dans des endroits où les tiécars sont chauds. J'ai fait des fautes qui méritent mille fois le carton jaune. Les heures passent et je paye mes erreurs cash. Mes défauts commettent des fautes et je dois payer leur part. Je réfléchis et je sais pas ce qu'ils ont contre moi. Je verse des litres d'encre noire, ça se finit par vaut mieux pas qu'on se revoie. Les heures passent et je paye mes erreurs cash. Mes défauts commettent des fautes et je dois payer leur part. Je réfléchis et je sais pas ce qu'ils ont contre moi. Je verse des litres d'encre noire, ça se finit par vaut mieux pas qu'on se revoie. Je me suis rapproché du feu mais pourtant je reste froid. Je te fais croire que j'ai du jeu avec une paire de trois. Des fois j'ai les nerfs, je t'explique. Pour m'en sortir, je dois faire des gestes techniques. Pendant que la jet set sniff, on veut le cash, on essaie de faire vite. Personne te le donnera, c'est du self-service. Au quartier j'ai appris la solidarité. J'ai aussi appris à sprinter quand je vois la police arriver. Ouais, depuis le plus jeune âge on court. Ces gens là sont fous, je prends mes jambes à mon cou. Quand elle me dit on emménage en couple, faut pas que je parle trop fort. Mais j'espère que ce scooter comme cadeau d'anniversaire n'est pas mon cadeau de mort. Tu tentes le diable et ça y est Lucifer piège. Pourvu que ma fille reste comme mon casier judiciaire vierge. Chaque jour que Dieu fait j'apprends. Avant de nous imiter à temps, on roule à 100, c'est limité à 30. Les heures passent et je paye mes erreurs cash. Mes défauts commettent des fautes et je dois payer leur part. Je réfléchis et je sais pas ce qu'ils ont contre moi. Je verse des litres d'encre noire, ça se finit par vaut mieux pas qu'on se revoie. Les heures passent et je paye mes erreurs cash. Mes défauts commettent des fautes et je dois payer leur part. Je réfléchis et je sais pas ce qu'ils ont contre moi. Je verse des litres d'encre noire, ça se finit par vaut mieux pas qu'on se revoie.